Salut les accros, c'est le Big Ben. Et Antithèse. Jog, enseignement, Rétro Gamer PQ. Et Alpha. Pour le podcast des accros, nous sommes l'édition du 1er octobre 2013. Salut la gang, comment ça va? Numéro 1. Super. Comme sur les roulettes. Génial, c'est le fun d'entendre ça. Premièrement, oui, vous avez entendu, Rétro Gamer a changé de nom. Je vais te laisser expliquer parce que peut-être le monde n'a pas vu ta dernière vidéo. Fait que je te laisse expliquer ton changement, s'il te plaît. Eh bien, c'est bien simple, étant donné que je ne fais pas que seulement du rétro, je trouvais que le nom Rétro Gamer PQ était limitatif et j'ai donc décidé de aussi, en changement de nom, de revenir à mes bases, de scripter plus mes vidéos et de faire plus de montage intéressant. Donc, en changement de nom, ben, je reviens un petit peu à mes bases, puis ça me permet de plus faire des jeux récents sans dire que je fais juste du rétro avec mon nom, vous comprenez? Oui, je comprends que tu veux élargir tes horizons, finalement. C'est ça. Ah, mais c'est le fun. Excuse-moi, antithèse? Dis en anglais que, ça fait que cela faisait du sens. Ah, d'accord. Quoi de neuf, la gang? God of War, le premier? Le premier, là? Le premier! Je me sens comme dans François Pérusse. Hein? T'aimes pas ça avec Clémentine? François Pérusse. François Pérusse, il va toujours rester une référence dans le podcast des accros. C'est sûr. Très sympathique, ça l'a dit. J'ai pas eu la chance de le voir au Comic-Con, oui, j'espère. T'as eu cette chance-là, toi, antithèse. J'ai eu cette chance-là, pis il a fait un signe cadeau cueilli pour Noël. J'en dis pas plus, parce que je veux pas avoir de stool pour mes projets. Bon, tes projets. Des gros projets. Des gros projets avec François Pérusse. Yop, de ton côté? Présentement, j'ai joué à Fatal Frame 4. Qu'est-ce que t'en penses en ce moment? Ça torche vraiment comme jeu, sérieux. Je te hais amicalement, officiellement. Oui, je sais. Amicalement. Et j'en profite de chaque occasion de te mentionner que j'ai le jeu original et que je peux jouer moi et pas toi. T'es comme là dans les dents. Tout à fait. je pourrais jouer moi aussi à mon tour puis avoir la carte SD puis let's go. Ouais, mais toi, oui, tu pourrais, oui. Sauf que j'ai joué avant toi. Ça reste pareil. Ok. Je me suis remis à Castlevania Symphony of the Night aussi. J'ai recommencé une game, puis je me prépare pour. Je prépare de la place pour Skylander Sword Force aussi. Oh, une nouvelle étagère qui s'en vient. Mm-hmm. Ça va coûter cher. Mm-hmm. J'ai calculé, là, ça, la journée de la sortie, ça va me coûter au-dessus de 400$. Oh! Oh là là! Peux-tu profiter, mon cher Jug, pour que tu m'enseignes ton opinion définitive sur comparaison Skylander et Disney Infinity? J'ai pas joué à Disney Infinity. Oh. Excuse-moi? J'ai pas joué à Infinity, fait que ça m'intéresse pas. Non, c'est Disney. De toute façon, j'ai trouvé vraiment accroche un petit peu Infinity quand j'ai appris que tu peux pas. Si tu veux par exemple jouer dans le monde des incroyables, faut absolument t'as un personnage incroyable pour jouer. Oui, puis après ce que j'ai compris, tu peux pas jouer à deux avec la même figurine ou je sais pas quoi. Ouais, je trouve qu'il y a pas mal de limitations. Ok, ouais. C'est là. D'après ce que j'ai compris, j'ai pas joué, je peux pas dire si le jeu est bon ou pas. Je sais que l'imitation de gens partant, c'est pas intéressant, mais j'imagine ceux qui trippent sur les personnages de Disney, c'est génial, là. C'est super cool. Mais moi, j'aime pas les personnages de Disney, fait que pour moi, ça a zéro intérêt. C'est de même. Mais moi, j'ai hâte de voir. J'aimerais ça que Nintendo fasse la même chose avec Pokémon. Oh boy. Imagines-tu? Intéressant. Que oui. Moi, j'achèterais pas ça, mais je suis certain que ça planterait Skylanders et Disney Infinity. Il y en aurait en tabarnak de la figurine, imagine ça. Ils sont rendus à combien, là? Je sais pas. 600, je pense. Dans ce coin-là. 600 Pokémon. Imagines-tu? Mais en plus, la Wii U est déjà équipée avec un reader pour ça. Ça va coûter cher. Fait que t'es fou. Et... Alpha, de ton côté? La question, c'était quoi de neuf? Yep. Ben, pas grand-chose. Je te dirais, là, j'ai recommencé à tester des jeux de marde parce que mon 14e épisode est sorti, puis là, c'est le temps de se tourner vers le 15e, déjà. Fait que... Je vais m'ennuyer des SMS. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je vais aller avoir chez moi. Oui. Alors, on va dire un petit bonjour à la gang avant tout, mais moi je voulais aussi vous dire, de mon côté, j'ai fini Mass Effect 2, il était temps, mais j'ai fait le au complet. Je l'ai fait à 100%. Ah, je suis content. Fait que là, je commence le troisième, je suis vraiment intéressé. Je traite beaucoup. Puis j'ai commencé à une nouvelle game de Link Awakening sur Game Boy Advance, Game Boy Color. Fait que je vais pouvoir vous donner des nouvelles peut-être bientôt. Alors, on va dire un petit coucou à toute la gang qui sont en ce moment sur live sur YouTube. Lambda est présente en ce moment. C'est une surprise, je vous avoue. C'est la première fois qu'elle vient au podcast des accros. Salut Lambda. De mémoire, ouais. Je me souviens pas de l'avoir. Non plus. Adam Kane, salut. Maxime Duclos. Trinity. Francis Penneau. Guillaume Tremblay. Philippe Saint-Jean. David Forget. Onze compagnie. Méthode Copra. Bruce David Mac. Enfin, je l'ai dit, celui-là. Oh, Bruce Mac. Serre 2011. Et Rad. Cara est là. Oh, bonjour, Cara. Oui, Cara est avec nous. Et Guillaume Tremblay, oui, ça, tu l'avais dit. Et c'est tout pour le moment. Alors, salut la gang, content de vous voir. Puis continuez à jouer avec nous autres au courant du podcast. On va prendre vos commentaires au fur et à mesure du show. Et également, si vous nous écoutez en différé sur iTunes, vous pouvez également laisser vos commentaires sur la page de desaccrosdesjeux.com, la page du podcast. Vous pouvez laisser vos commentaires là. Et si vous nous écoutez aussi sur iTunes, laissez un petit commentaire, un petit review. C'est fun de pouvoir voir le monde qui dit ce qu'il aime le show. Ça nous aide énormément. Hey, by the way, Jug, t'as changé de nom, tout ça, mais il y a des gens qui se demandent quel est le nom de ta nouvelle chaîne. Et la nouvelle chaîne s'appellera Juste un Gamer, mais ça sera à partir de la même chaîne de Retro Gamer PQ qui va juste changer de nom, dans le fond, aussitôt que j'aurai le premier vidéo de prêt. Ah, ok, donc c'est pas une nouvelle chaîne, c'est ta même chaîne qui va changer de nom. Tout c'est ça. Okay. Les anciennes vidéos vont toujours être disponibles. Très bon choix. Voilà une bonne nouvelle. Si vous êtes japonais, ben vous avez pas de changement à faire. Ce qui est vraiment cool. On s'en rend-tu des nouvelles? Oui. Je pense qu'on est rendu là. Alors, on va commencer avec Valve. Nos amis de chez Valve. Il a déposé aujourd'hui le nom de Half-Life 3. C'est confirmé, les amis! Ben, c'est pas confirmé, mais ils ont déposé le nom auprès du bureau européen d'enregistrement des marques. Non, et les émeutes ont commencé, c'était la fin du monde, car Half-Life 3 n'est jamais sorti. Ça marche pas, là. Half-Life 3, donc c'est 1.5. 1.5. Hein? Qu'est-ce que c'est? Half-Life. Oh, douteuse, hein, cette joke-là. Je pense que je vais t'envoyer avec Beta dans le coin. Moi, je vote pour qu'on expulse cette thèse. Non, je refuse. Je... Va dans le coin. Ah ouais, dans le coin là-bas là. Va dans le coin de ta pièce. Pour que j'avance là, je vais essayer de résumer ce que je viens de dire. 3% égale 2. Ok, je vais mettre une règle officielle. On fait pas de mathématiques ici. Ah ok. Sauf quand c'est nécessaire. Ok. Non. Fait que, attendez, parce que ça a l'air que peut-être Half-Life 3 va finalement sortir. S'il y a un nom qui est déposé, ça a des bonnes chances. Imagine en français, ce jeu-là s'appellerait Demi-Vie. Demi-Vie, hein? Ah, c'est laid! Demi-Vie 3, maintenant, dans les magasins, près de chez vous! C'est pas full viril. Non, vraiment pas. On a eu une Nintendo Direct aujourd'hui. Oui! Il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Oui! Alors, on va commencer avec Super Mario 3D World, qui ont annoncé la date officielle de la sortie du jeu pour le 22 novembre. C'est parfait pour le temps de Noël. Écoute, c'est arrivé comme ça, c'est pas mal tôt, en fait, pour ce que c'est versus leur original. Ça fait pas longtemps qu'il en parle, puis là, paf, il va sortir. Bah, ça veut dire qu'ils l'ont préparé d'avance, puis que... D'habitude, Nintendo, c'est pas une compagnie qui va sortir des jeux avec plein de bugs. Ça, je leur donne ça à Nintendo. Ça dit quoi avec plein de bugs? Mais ouais, c'est pas une compagnie qui va sortir un jeu, ça va vite, puis que le jeu est mal fait, puis tout croche. Non, c'est sûr, ça c'est sûr. Ça, je leur donne ça, Nintendo, c'est très... De mon souvenir de même, j'ai jamais vu un jeu botché. Fait que là-dessus, je pense qu'on leur donnera le bénéfice du doute. Mais le 22 novembre, on aura la chance de jouer à Mario 3D Land. J'ai très hâte d'y jouer. Sonic revient dans Smash Bros. Oui, ça a été une surprise. Ben, ça veut dire que... ça paraît trop que Nintendo et Sega, ils s'entendent tellement bien que... Je veux dire, on voit que la plupart des Sonic sortent à Star sur Wii, puis sur ça change de la vieille époque, hein? Ou dans le temps où Sega disait « Ah, nous, on est meilleurs que Nintendo, et puis Super Nintendo, c'est de la merde, puis on va leur botter le cul à plein gaz! Et... » Maintenant, c'est « On couche avec Nintendo, c'est le fun! » Alors, c'est ça, alors vous allez avoir la chance de jouer avec Sonic. Alors... Donnez-moi juste un petit instant. On parle bien et bien pour ceci, on parle effectivement bel et bien du prochain Super Smash Bros. Qui va sortir également sur 3DS. Oui, effectivement, il va être dans les deux versions, version Wii U et version 3DS. Mais sérieux, moi j'aime beaucoup le style graphique de la version 3DS. Oui, il est un peu cartoony de ce que j'ai vu. Mais j'aime beaucoup les traits noirs. Ouais, mais c'est pour que le monde puisse les distinguer à l'écran. Hein. Mm-hmm. Mais je trouve que, je sais pas, même le style, je le trouve très beau. Sérieusement, je trouve que j'ai très hâte d'y jouer. Mm-hmm. Moi, je veux juste jouer en tant que Megaman. Le reste, je m'en calisse. On voit c'est qui le fan de Megaman. Kirby revient sur 3DS. Oui! Ça a été une super nouvelle. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Yes! » Et oui, notre petit bonhomme boule rose qui va revenir au courant de l'année 2014. Et ça va être... vous pouvez aller voir la bande-annonce qui est en ce moment-là. Et j'ai très hâte de voir... Quel genre de... est-ce que le jeu va être aussi bon que les prédécesseurs? Si vous êtes des fans de Kirby, ça va être sûrement un must-have à avoir. Alors, une autre date de sortie également pour Legend of Zelda A Link Between Worlds, qui va sortir le 22 novembre. Fait que ça veut dire que deux gros jeux Nintendo sortent en même temps. Oui, donc si vous êtes un gros Nintendo fan, ça va vous coûter cher ce fin de semaine-là. Minimum 80$, c'est sûr, mais holy crap, c'est quand même des excellents choix. Ça, on ne peut pas non plus le nier. Grande nouvelle, je laisse Jog laisser la prochaine nouvelle. Alors, j'avais prédit la semaine passée et les autres semaines avant que Mighty No. 9 finirait avec 3,5 millions de budget pour ce merveilleux jeu, mais il vient de se terminer à 3,8 millions! Oh my God! C'est vraiment cool! C'est de l'argent de poche. Ouais, c'est pas mal. Pour être plus précis, là, on parle de 3 841 041. Alors, qu'est-ce que ça... 41. J'espère qu'on va se gâter avec le 41 cents. Une bonne tournée de bière. Piastres, là, c'est pas 41 piastres, parce que de toute façon, je l'ai dit, ça a l'air là-dessus. Aussi. Fait qu'est-ce qui va se passer, Jug, par rapport au jeu? Qu'est-ce qu'ils vont donner, finalement, de plus que la version originale? Là, ils ont atteint toutes les stretch goals. Là. Fait qu'on va avoir une version... De tout. Donc, 360, PS3, Wii U, 3DS. Xbox One, PS4, Vita, 3DS... Après ça, on va voir le co-op online, l'option de mettre les tunes en version chiptune. Tu vois, il appelle le testeur là, pour avoir son avis. Alors, fait que c'est une grande nouvelle. Puis, si tu fais. Moi, en tout cas, on va jaser tantôt parce qu'on va jaser de Capcom, mais sais-tu véritablement. Je pense que c'est le plus grand pied de nez à Capcom jamais, ce qui s'est jamais passé. Mais je veux dire que c'est le plus gros pied de nez que Capcom a eu. Oui, c'est sûr, mais je pense pas, même Capcom ont été humbles là-dedans, qui respectaient beaucoup le projet de Keiji Inoue, puis ils ont été corrects là-dedans. Ben écoute, il faut pas non plus oublier de mentionner que Keiji Inoue a quand même fait des contributions assez très majeures et importantes à Capcom. Que, en fait, quelqu'un serait peut-être pas là où ils en sont. ils en seraient si c'était pas des idées de Keiji Inafune, justement. Parce qu'il n'a pas juste fait des gommes, Keiji Inafune. Keiji, ben, moi, c'est parce que je suis un des seuls gens qui a comme pas trippé pantoute sur Mega Man Legend. Je l'avoue, j'ai comme jamais réellement trippé. Mais c'est correct, là, je veux dire. Keiji, j'y donne. Regarde, Dead Rising, c'est écœurant comme jeu, là. Il était le positif de porteur de Dead Rising. Oui, puis il a apporté ses idées, puis. Non, ça, j'y donne ça. Puis je pense que c'est un gars qui est vraiment dedans. C'est cool, là. Le fait qu'il y ait eu beaucoup de contenu dans l'exemple de Dead Rising, mais pas limité à Dead Rising, provient de Keiji, justement. Je t'en ai parlé à soir. Tout à fait. Fait que, non, c'est ça, c'est vraiment cool. Puis, regardez attentivement, il va sûrement avoir d'autres nouvelles de pour ce qui est de Mighty No. 9. Je sais que Jog va regarder avec attentivement avec les nouvelles de Mighty No. 9. Il va probablement vous en parler durant ses triades hebdomadaires. Ben, en fait, il n'y aura plus de triades. Je pensais qu'il y en avait. Je pensais que tu étais gardé encore. Et non. Ah, c'est pas grave. On va faire des affaires plus élaborées, comme je faisais au début, là, dans le temps de Carnov, puis les spéciales Halloween, puis tout ça. Là. C'est cool. On revient à la base. On revient aux racines. Autre nouvelle, Donkey Kong Country, Tropical Freeze, qui va sortir en février 2014. Il sort plus en novembre? Non, mais c'est correct, là. Il y a assez de jeux, je pense, qu'il faut sortir dans ce temps-là pour me, oui. Pour me ruiner. Donc, je trouve que c'est correct, là. Star Fox sort le 10 décembre. Je ne sais pas si ça a été mentionné récemment. De quoi? Star Fox The Stick of Truth. Ouais, ça, on va en parler tantôt. Ah. Notre gang, on a aussi une nouvelle par rapport à la Wii, qui va être la Wii originale, qui va être arrêtée bientôt d'être produite. Effectivement, à partir de la console. Excusez-moi, j'essaie de retrouver rapidement les nouvelles. Ah, c'est ça. Ils ont juste annoncé comme quoi ils vont arrêter prochainement la production de la console originale de Wii. Bon, veux pas, il y a 100 millions de copies, il y a 100 millions de foyers qui ont une Wii. Ouais. C'est quand même gros. Puis là, le défi de Nintendo, ça va être de faire la promotion de Wii U. Mais c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il parle aussi pour les updates? Non, mais il n'y a plus d'updates depuis un bout. Il n'y en a plus pas en tout. Ils ont même fermé les chaînes. Fait que non, ça fait un méga bout qu'ils ont arrêté de faire de produire tout ce qui est Wii. Ok, je vais pas remarquer ça. Moi, il me semble que des chaînes marchent encore. Les chaînes de vente fonctionnent, mais il y a des chaînes qui ne fonctionnent plus pas en tout. Si je me souviens, tu sais, comme par exemple tes affaires de nouvelles ou ta météo, ils servent même plus. C'est ça, c'est eux autres qui ont arrêté ça. J'avoue. Okay, ça, Nintendo Direct, le poste de Nintendo Direct, il marche plus. Mais la Wii Shop marche encore, j'ai essayé l'autre jour. C'est normal un petit peu parce qu'il y a de l'argent. Tu payes, tu sais. I hope so. Elle n'a pas le choix de fonctionner encore à cause de la Wii U, là, de toute façon. Fait. Ouais. Bonne nouvelle pour Montréal, Ubisoft qui rajoute des employés ici à Montréal. Notre chère compagnie Ubisoft va produire, va créer 500 nouveaux emplois, puis ça va donner, mais ça va déjà rajouter aux 3500 personnes qui travaillent en ce moment au Québec. Donc c'est vraiment cool. Donc je pense que si vous êtes en ce moment au cégep ou à l'université qui s'en vous en allez présentement à l'école pour travailler dans le monde du jeu vidéo, c'est peut-être une petite chance de rentrer chez Ubisoft. Alors, Jog, tu vas avoir une nouvelle est-ce que tu as téléchargé la nouvelle update de la Wii U? Oui. Qu'est-ce que tu en penses en ce moment? C'est cool de jouer à tes jeux de Wii Shop sur la Gamepad puis tes jeux de Wii. Le seul problème pour l'instant, c'est qu'on peut pas utiliser la Gamepad en tant que manette. C'est vrai, hein? Je trouve ça étrange, pas mal. J'imagine qu'à un futur update, ils vont le faire, mais pour l'instant, il faut avoir une Wiimote ou une classique contrôleur pro. Je te donne un exemple. Mettons que tu as téléchargé un des jeux Phoenix Wright sur qui est justement dans la Wii Shop. Tu pourras pas la jouer sur ton Gamepad. Pas ton Gamepad, excuse-moi, mais ton sur la tablette. C'est ça que tu aimerais dire. Attends un peu, là. Répète-moi ta question parce que je pense avoir mal compris. dans le fond, je vais faire ça plus général. Si tu télécharges un jeu. Oui. Tu peux pas jouer. Toi, tu viens de dire que tu peux pas jouer. Tu peux pas non, jouer. Non, non, avant, on pouvait. Pas. Là, on peut. Ah, là, on peut. Ok. C'est pas ça, je vais. Tu peux jouer à tes jeux de Wii et de Wii Shop sur WiiWare, là, whatever, sur ta tablette. Sauf que tu peux pas utiliser la tablette en tant que manette. Ok, c'est ça. Oui, mode pour faire la pitame. C'est ça. Il y a une sensor bar intégrée dans le gamepad. Oui, là, je comprends. Mais c'est ça. J'imagine que dans un update futur, ils vont rajouter l'option de mettre ça comme manette parce que tu peux contrôler la Wii à partir de la gamepad. Fait que j'imagine que tu vas pouvoir éventuellement un jour. Bon, j'ai une question en ce moment sur le chat de la part de. Méthode Cobra qui dit, que pensez-vous des Moses de Freeze sur la Wii U lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube? Non, ils l'ont corrigé dans le patch. Ils viennent de le corriger? Parce que tu as réussi à le tester ou... Ben ouais, j'ai testé, mais j'ai pas eu de bug depuis la nouvelle patch. Ok, c'est bon. Fait que, ben, ça t'a répondu peut-être à ta question, Méthode, mais moi je suis pas au courant, j'ai pas encore de Wii U. Peut-être bientôt. Mais ça revient quand même à YouTube, à Google, d'updater leur application aussi. Là. Ouais. J'avoue que ça peut aider. Mais ça dépend aussi si c'est un problème de hardware, ça, je sais pas. Là. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait le test, puis sur les 4 vidéos que j'ai checkées, il n'y en a pas un Chris qui a buggé, contrairement à l'habitude. Bon. Maxime Duclos qui dit que la Wii Mini, ça va devenir comme la Game Boy Micro, ça va être un futur article de collection. Je comprends, il n'y a pas personne qui en achète en ce moment. Ça sert fucking à rien, la Wii Mini. La Wii Mini, oui, ça va avoir son utilité après qu'il n'y ait plus de Wii. Parce que plus Internet, ça dérangera plus. Là. Je veux dire, tu vas pouvoir... Non, mais tu peux rien faire avec ça pour jouer des jeux de Wii. Je sais. Mais la chose qui m'agace, moi, là, je sais pas s'ils ont arrangé les nouveaux Zelda, mais moi, ma version de Zelda, il a fallu que je télécharge une patch pour corriger un bug. Qu'est-ce que tu fais si t'as pas Internet avec ta Wii Mini puis tu joues à cette version-là de Zelda? T'es dans la merde. C'est une bonne question. Alors, je suggère que si jamais il y a un accro qui nous écoute puis qu'il y a une Wii Mini, ben de nous le dire. Qu'est-ce que tu as la Wii Mini? Est-ce que, j'ai en mémoire, est-ce qu'elle a une entrée ou est-ce que l'entrée est de top un jeu? Non, il n'y a pas d'entrée nulle, rien. Bon, ça vous le disait. Fait que c'est de la merde. Ben oui. Elle est petite, c'est juste ça qu'elle a. Même dans le front-end de la Wii Mini, il n'y a même pas de place pour entrer des connexions Internet. C'est mauvais. C'est mal pensé, je trouve. Mais ça, on avait déjà parlé dans le passé, remarque bien. Ouais. C'était mauvais. Mais bon. Les choix de Nintendo, des fois, sont étranges. Mais bon, ils ont leur raison. Autre nouvelle, les gars? Oui. Je veux juste regarder, désolé. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Non, c'est ça, il y a d'autres choses aussi qui sont rajoutées avec la nouvelle update de la Wii U. Vous pouvez maintenant plugger un clavier USB. Ça peut être intéressant. Vous pouvez également possibilité de désactiver le Nintendo Network ID sur les machines non Nintendo, par exemple les PC ou les smartphones. OK. Support du Dolby Pro Logic 2 pour les jeux Wii, donc si par exemple vous avez un Mario, ben vous allez entendre le son Dolby n'était pas sur la version sur la Wii U, mais voilà, Light Star. Sinon, à part ça, excusez-moi, je regarde rapidement. Support des fichiers PDF, mais vous ne pouvez pas sauvegarder. Vous pouvez permettre de lancer le navigateur et d'uploader des screenshots pendant une session de jeu. Donc, si vous voulez faire du multitâche, c'est possible sur la Wii U. Et puis, il y a plein de petites affaires. C'est 700 MB, cet update-là. Donc, c'est cool quand même. Ça a été long à installer. Je l'ai fait. Oh, ouais. En plus, c'est en, ouais, c'est ça. Toi, ta console n'est pas branchée directement sur le fil. Fait que... Non, et Wi-Fi, je l'ai mis sur Wi-Fi. Donc, ça prend un petit peu plus dedans. Autre chose, autre nouvelle, Dragon Quest X pour Android et iOS. Qu'est-ce que t'en penses, mon grand fan de Dragon Quest? Et premièrement, il faut savoir que je pense que ça va être juste au Japon. Ouais, c'est pas encore, non, ils n'ont pas encore lancé ça. Il y a la version PC qui sort en novembre ou qui est déjà sortie ou whatever au Japon. Mm-hmm. Ça fait partie de l'optique de Square Enix de tout faire mobile. Moins cher. Mais en fait, c'est même pas le jeu, il sort pas en tant que tel. Sur le show, c'est plus le jeu va être streamé sur une tablette ou un téléphone. Ok. Mais en tout cas. Oh là là. Whatever. Ah, Maxime Duclos répond à notre question. Il dit que les nouvelles versions de Zelda sont intégrées sur le disque du deuxième print. Ok. Mais t'es quand même pogné si t'as la première version. T'es un petit peu dans la merde pareil. Mais si t'as la première version, il y a des chances que t'ailles déjà une Wii. Ben, c'est ce que j'ai. Moi, puis j'espère que ma Wii, elle lâchera pas. Je fais attention. Là. C'est pas fais comme attention, elle devrait pas. Moi, je l'ai encore, elle marche très bien. Puis j'ai la première version qui est sortie ever. Elle t'offre plus, en tout cas, que ma Xbox 360. Ça, je peux te le dire. Toi, t'as la vie de vieux modèle. J'ai une Elite. J'ai une Xbox Elite. Mais ouais, elle lâche. Elle est en train de crever. Tu vas acheter quand? Ben, c'est pas, je l'ai reçu en cadeau, je pense, ça fait 4 ans. Ah ouais. 4 ans, 5 ans, je pense. La Slim n'était pas sortie. Non. Non, c'était dans les premiers temps que la Elite était sortie. Avec le sort, avec le port HDMI. Fait que, ouais, ça faisait un petit bout. Fait que, ben, merci beaucoup, Maxime, pour ton annonce. Ben, puis, pour nous avoir aidé. Autre nouvelle. La manette Steam, oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé si on allait jaser de la manette de Steam. Vous en pensez quoi, cette manette-là? C'est weird, hein? C'est bizarre, hein? Attends, mais checker ça parce que je sais même pas de quoi vous parlez. Alors, pour ceux qui savent pas, c'est une manette, pas de boutons, deux sticks analogiques, et en même temps, vous pouvez utiliser boutons. C'est étrange! J'ai hâte de voir ça va être quoi la sensation de jouer avec cette manette-là. Mais je me dis en même temps, ça va être chiant un peu si t'as, par exemple, t'as un jeu de. Je sais pas, quand tu vas vouloir jouer à des jeux de. Mettons, Call of Duty. Fait que faut que tu joues avec tes deux sticks. Mais là, quand tu vas vouloir, par exemple, changer d'arme, va te falloir que tu fasses un slide dans ta manette. Mais il y a un touchscreen dessus. Je vois pas le touchscreen, non. Le milieu. L'autre qui est le symbole de Steam. Ah, ok. Ah, ben, c'est pas si pire. D'après ce que j'ai compris, ils ont fait cette manette-là spécifiquement pour les FPS. Ok. Ça ressemble à une face. Non, mais non, sur Kotaku, ils disaient que plus ça ressemblait au mamelon de Gabe Newell. Oh non. Parce qu'il parle. Hey, ça semble une sensation bizarre. Là, genre, tu vois, les deux. Tu sais, genre, finalement, la manette, c'est deux portals qui s'en vont dans ses têtes à Gabe Newell. C'est comme. Ah! Fait que non, mais. Ils ont pas encore annoncé de date de sortie, hein. Fait que c'est pas pour tout de suite. Mais j'ai hâte de voir que c'est ça. J'ai probablement. Si il y a des. Le pire, c'est que le monde qui l'ont essayé, il y a quelques personnes qui l'ont essayé, puis ils ont l'air bien aimés. Fait que j'ai hâte de voir ça, cette manette-là. Puis si elle est à un prix raisonnable, ça va peut-être être un achat pour moi. Si je peux l'utiliser sur mon ordi normal, là, je serais bien content. Autre nouvelle par rapport à Smash Bros, on a Toon Link qui va être présent aussi. Alors, la version en Toon de Link de Zelda va être présent. Toon Link, oui. Ouais. Là, ça veut dire qu'on aurait Toon Link et on aurait le Link régulier. Oui, on a les deux. Ouais. Ça, c'est la plupart des. Ben, depuis le GameCube, je pense qu'il y a les deux versions tout le temps. Ouais, depuis le GameCube, effectivement. GameCube, je pense que c'est le GameCube qui avait le premier Toon Link pour également faire de la pub pour. Wind Waker. Ah, peut-être. Oui, ça se fait. Parlant de roster, tant qu'à dans le vif du sujet, là, on sait que le roster il est pas encore complet. Non. Ça peut changer, hein. On se rappelle au dernier Smash Bros. Quand ils l'avaient annoncé, je pense qu'ils ont repoussé la sortie pour mettre Sonic dedans. Fait que tout peut changer jusqu'à la dernière minute. Peut-être qu'on va avoir Simon Belmont. Peut-être. J'en voudrais personnellement, moi aussi, comme Jug, mais. Ils ont réussi à mettre Solid Snake. C'est ce que j'ai juste à demander. Pensez-vous que Solid Snake va faire une apparition dans cette version-là? Je suis pas sûr. Ça non plus. Je suis pas sûr. Je pense qu'ils vont aller chercher un autre personnage, peut-être de Konami, mais ils vont pas chercher. Comme je dis, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils mettent Simon Belmont. La coopération entre Konami et Nintendo est pas mal la plus. Moins bonne qu'au temps du GameCube. Années, je veux dire. Ouais. Ouais. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, on a un retour de Alpha. Salut. Excusez, j'avais un appel de business quand même important. Là, fait que... Ah, ok, c'est ton trafic de métaphénomène, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Non, ça concerne. Alors, là, vous allez voir la police arriver chez Tester dans quelques instants. C'est pour mon distributeur de Windex, là. C'est pas de la salle, là, vous en faites pour. C'est juste du Windex. Fait que c'est Breaking Bad version québécoise avec du Windex. Hey, Tester, Windex à l'orange, tu t'en veux-tu? Comment tu dis? Du Windex à l'orange. Moi, j'ai une bouteille à la lavande ici. Oh. T'as des offres de juicer, juteux, mon testeur alpha. Un bon goût d'éthanol, là. J'aime ça, moi. J'ai-tu manqué beaucoup de choses, là? Vous étiez dans les nouvelles? Ouais, t'as manqué. T'as manqué les mamelons à Gate New World. Pas sûr d'avoir manqué ça là, mais bon, ok. Bon, autre nouvelle. Ok, Monster Hunter 4 qui va s'en venir probablement vers l'Occident. Fait s'y attendre, Monster Hunter 4 qui est très très populaire au Japon. Fait que ça serait pas surprenant de le voir en Europe puis aux États-Unis. Il y a quand même eu un bon succès sur celui au 3DS. Fait que je serais pas surpris qu'il y en ait une nouvelle version aussi qui s'en viendrait. La date de sortie de South Park. Alors, je te laisse le faire, antithèse, vu que c'est toi qui avais commencé. Tant de repoussage et de niaisage. Donc, en passant, je m'attends encore, maintenant, personnellement, qu'il y a encore du repoussage et du niaisage. On nous annonce que le jeu South Park The Stick of Truth sortira le 10 décembre. 12 décembre. Ici, j'ai 12. C'est ça, tu as le 12. Moi, soit Microplay à la Chine et EB Games à McGill ont dans leur liste le 10 décembre. Ah, ça se peut peut-être parce que ça tombe un mardi, ouais, j'avoue. Ah. Mais moi, j'étais avec le site de jeuxvideo.com, fait que ça se peut également qu'eux soient un petit peu plus en retard. C'est correct, c'est pas plus grave que ça. C'est deux jours de différence dans le fond. Et, écoutez, moi, j'ai hâte d'y jouer. Je sais pas pour vous autres. Sérieux, je me suis pas renseigné sur ce jeu-là. Moi non plus. La seule affaire qu'il faudrait que je revise, recheck, c'est savoir si on peut jouer en ligne à South Park The Stick of Truth. Je pense que oui. En ligne, quel serait l'intérêt de jouer en ligne? Ben, tu pourrais voir Jug jouer Cartman. Non, c'est ton pote personnel. Respect my authority! Wow, dude! Wicked! Ferme ta gueule de merde, sale enculé! Non, mais je sais pas si je vais y jouer. Je vais voir qu'est-ce que ça a l'air comme gameplay. J'avoue que je vais regarder au courant de la semaine. Mais. Old school, c'est RPG tout à tout. Ok, ça peut être intéressant. Ça sera pas comme, Fallout ou Skyrim, c'est vraiment RPG style tour à tour. Ok. Autre nouvelle, vous aimez les jeux style old school de Final Fantasy? Hey! Ben, je m'allais dire Capcom, c'est pas vraiment Capcom, c'est Square Enix qui va sortir sur 3DS un jeu Bravely Default. L'annonce est sortie, puis ça ressemble vraiment à un Final Fantasy 5, je vous dirais, là. C'est avec 4 personnages que vous pouvez changer les jobs. C'est pas intéressant. C'est toujours le fun, en fait, ça me faisait penser à Final Fantasy The Four Heroes of Light sur DS. Oui, je trouvais aussi, moi. Mais je trouvais que ça ressemblait. Mais ouais, parce que les bonhommes sont très cartoon, sont très ronds, ils ont pas de l'air. Mais, qu'est-ce que tu penses du nom? Bravely Default. Ça sonne le japonais qui sait pas comment formuler une phrase en anglais. Là. Non. Ça, je te l'accorde. Le contraire, c'est pour faire deux. C'est pour combiner deux mots bizarres pour rendre ça justement comme. Hein? Quoi? Il aurait peut-être pu changer de nom puis appeler ça Give Us a Last Chance. Il y a un peu plus ça Final Fantasy, whatever. Ouais, j'avoue. Whatever. Genre, voilà. Final Fantasy Default, Bravely Final Fantasy, je sais pas, oui. Il aurait pu appeler ça, je sais pas, moi. Il y a plein de noms. Fait que, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Regardez au courant de l'année 2014, vous allez peut-être avoir un nouveau jeu pour votre 3DS. Autre nouvelle, on a une nouvelle de Warcraft, mes amis. Film. On a une date de sortie. De? Du film? Du film de World of Warcraft. C'est quoi la date? C'est quoi la date? Alors, on parle du 18 décembre 2015. Oh, deux, ça fait. Ouch! C'est quand même 2 ans. Ouais, c'est standard. Là, c'est standard. Ouais, c'est. Oui, mais. Regarde, c'est quand même dans 2 ans! Oui, mais c'est. Avec le tonne, avec la tonne d'effets spéciaux qu'ils vont mettre dedans, c'est sûr que ça va prendre du temps. Sais-tu qui va jouer là-dedans? Ben là, t'as Colin Farrell qui a été. Ouais, pas lui, là. Je vais aller voir sa page IMDB, je t'avoue. Fait qu'en attendant, si tu me dis Megan Fox, là, c'est sûr et certain que je vais voir ce film-là. Là. Qui qu'elle pourrait faire, Megan Fox? Elle pourrait faire une Night Elf ou je sais pas quoi. Ou... elle pourrait être habillée en mauve. Là, pis... bon. Donc, je te gâche que Megan Fox ferait une orbe et tu irais la voir pareil. Hein? Non, mais même si Megan Fox joue pas dedans, tu vas le voir pareil. Est-ce, c'est quoi cette idée-là? Oh. Ben, je sais, mais je vais y aller plus vite. Ok, c'est ça. Ok. Je pense qu'une des filles, c'est Paula Patton. C'était un nom de marde. C'était un nom de marde aussi. Elle aurait joué dans Mission Impossible, Protocole Fantôme. Puis, déjà vu. Ça me dit fucking rien. Sinon, je vais aller voir un autre artiste. Paul Dano. Qui est lui? Dolly Parton. Non. Ouais. Paul Dannon, il a joué dans Loopers. Ah, c'est il faisait le gars de. Le gars, là. Le gars, là. Un gars à quelque part. Le gars avec les cheveux et les bras, là. Ouais, c'est ça. Il porte un chandail. Ah, ouais. Encore une. Il aurait joué dans les Sopranos. Paula donc, Patton, t'as dit. Paul Dano. Ah, pas pire, un beau petit kit. Ouais. Cinq des gars, finalement, qui sont annoncés. Il n'y a pas de gros acteur là-dedans, là. Fait que, ben, on va attendre des nouvelles, parce que de toute façon, rien n'est officialisé encore au complet. Mais, 18 décembre 2015, il va y avoir une petite filée devant écoute. C'est le bordel. Considérant qu'en décembre 2013, il va y avoir le Hobbit 2 et qu'en décembre 2014, il va y avoir le Hobbit 3, ben en décembre 2015, on va avoir Wow! Ouais. Fait qu'on va avoir un gros film. À fait que là, on va être là. Wow! Wow, vive décembre! C'était-tu genre une blague? Non, mais j'essaie de limiter l'antithèse. Ah ah, je te dis, mon curse, la. C'est Beta qui vous a infecté, là. Je t'avais dit, pas laisser antithèse avec la Beta. Regarde que ça donne. Tabarnak. Tabarbip. Tu sais, moi, je l'ai dit au lieu de faire semblant. T'sais. Tabarnak. Il va falloir que je sorte mon bat, là. Pas le choix, là. Il va falloir que je commence à frapper sur antithèse, là. moi aussi, j'ai une arme pour me défendre. Non, tu te défends pas. T'es infesté par le virus de Beta. Fait que... Maintenant, puis maintenant. C'est Jocky là. Quel monstre t'as créé, Alpha? Je le sais pas. Ah, et voilà. Le logo de Smith Prime, le bouclier. Omnipotent. Non, mais on va faire comme dans les anciennes séries. Bon, on va aller voir notre monde sur le chat parce qu'il jase beaucoup. Ça dit de bon. Ah, ça jase beaucoup. Philippe Saint-Jean qui suggère que le jeu cité par Big Ben, lui, il appellerait ça Art of the Destiny. C'est cute. Ouais. C'est cute. Ça veut pas dire grand chose. Pas l'air d'accord. Why Heart to the Destiny? Heart of Destiny, peut-être? Of the Destiny. Heart to the Destiny. Non, mais... j'entends tellement, genre, le gars de Captain Planet, là. Heart! Heart! With heart! Your powers combined, I am Captain Planet! Captain Planet. Fitaster, c'est pas c'est quoi, Captain Planet? Non, il est trop jeune. Il a pas connu ça. Oui, il écoutait des bonnes choses à l'époque quand il était jeune, puis là, il s'est converti aux mauvaises choses. Ah, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'était la face était mythique. J'aimerais savoir s'il y a quelqu'un d'entre vous qui sont des gamers de League of Legends. Non. Yo. Je l'ai téléchargé. J'ai compris. J'ai pas osé commencer cette drogue. Pas encore, du moins. Je l'ai sûrement dit, je vais m'essayer à m'emmener. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui m'agace dans ce jeu-là. Tu dois te faire casser la gueule par tout le monde? Oui. Tu sais, quand le monde qui joue depuis genre 2 ans, puis moi j'arrive, hey, je suis nouveau! Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aider? Pas en tout. Devinez qui vient d'entrer dans le chat? Ginette. Danuka! Danuka! Alors, salut Danuka. Pam, pam, pam, Sarah 2011 dit que la Xbox Lite n'a plus de Red Ring. Ouais, mais elle peut péter pareil. Ouais, si tu fais pas attention, tout peut péter. Ils ont juste changé la couleur du ring, là. C'est top. Oui, elle marche très bien. Et j'en prends soin aussi. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu te promènes-tu dans la douche avec, là? Non, non, mais je la dépoussiérette, j'ai bien aérée, puis... Tu mets du tout doux quand j'ai envie de savoir. Je la laisse pas ouverte pendant 48 heures, tu sais, je veux dire... Bruce Mac dit qu'il merci à Gamer, c'est grâce à toi si j'ai découvert Mighty No. 9. Alors, t'es grâce à toi. Tu as Mighty découvert... No. 9. C'est cool, hein? Sinon, pas ça. Adam Kane dit Nintendo devrait sortir une machine officielle légale avec tous les jeux NES et SNES. Impossible. Pourquoi? Impossible! Un, t'as les coûts de machine qu'il faut que tu payes. Deux, tu peux pas avoir toutes les licences de jeux parce qu'il y a des licences qui sont rendues aux quatre coins. Je pense par exemple à Rare que Astor ça appartient à Microsoft. Microsoft laisseront jamais Nintendo toucher à ça. Ce serait un cauchemar de licence avec toutes les compagnies qui existent et ceux qui n'existent plus. Puis trois, t'es mieux de les vendre en format digital. Comme ça, t'as pas aucun frais de. T'as juste le frais de transformer ton fichier en fichier, mettons, Wii U. Dans un émulateur. Ça ne coûte rien, là. Dans un émulateur singulier. C'est ça. Fait que non, ça arrivera pas. Pauvre toi. Bon. Sinon, à part ça, oui. Une émission sur les produits ménagers qu'aime Pierce Mac. Il dit en ce moment, on fait une émission sur les produits ménagers parce qu'on parlait du Windex. Oui, effectivement. Bon, ben, gars, on va annoncer quelque chose. On va faire, moi puis Tester, on va faire un épisode spécial sur le Windex. Pardon, la semaine passée, j'ai rencontré le PDG de Windex, puis il y a des gros plans avec moi, tout ça. Oh! Oh! Est-ce qu'on va avoir la boisson Tester Alpha? Non, on va avoir la tartinade pour nos toasts Windex à l'ancienne. Ça va te donner une chance avec ton Nutella, hein? En passant, ceux qui ne savent pas, ils détestent le Nutella. Oh! Et je l'ai vu manger un morceau de Nutella, puis la face était dégueulasse. Tabarnak, non, Ben, c'est impossible. Je pensais que c'était toi qui l'avais mangé ou c'était Beto? Ben non, j'ai jamais mangé de Nutella d'après. Okay. La dernière fois que j'ai mangé du Nutella, je devais avoir 12 ans. Fait que c'est impossible que tu m'as vu manger du Nutella. Non, c'est parce que c'était quand tu as fait ton émission la 13e. Ben était rentré dans le temps, puis il est allé te voir, là, puis c'est ça. Ouais, j'ai rencontré Christopher Lloyd, qui m'a laissé la chance de conduire la DeLorean, et je me suis dit, il fallait que je voie l'enfance de Alpha. Ah, je pensais que tu étais allé dans la police box. Oh non, la police box était déjà occupée. Hein. Ah, okay. Il y avait des anges autour, j'ai fait, oh, j'ai crise du site. Inside the Doctor Who. Alors comme tu peux voir Alpha, tu es une inspiration indéniable pour Big Ben. Pourquoi? Écoute, si il a fallu qu'il prenne la machine à voyager dans le temps. T'as l'air plus d'un creep là, mais. Ouais, c'est ça. À limite, Sœur 2011. Donc, Sœur 2011 demande pourquoi. Qu'est-ce que Microsoft ont fait avec Microsoft? Qu'est-ce que vous avez fait de Rare? Ils l'ont fucké. C'est ben, plus la même compagnie. Ils n'ont rien fait avec. Ils ont rien fait. Ils l'ont juste acheté pour qu'ils ferment leur gueule, puis that's it. Là. Ouais. Fait que à cause de ça, ben, ils font plus de meilleurs jeux. En Star, ils font juste de la crap. Malheureusement. Je suis quand même curieux pour le Killer Instinct qui va sortir. C'est même pas eux autres qui le font. C'est pas eux autres qui le font. Qu'est-ce que c'est une autre compagnie qui le fait. Rare? Ça sera pas Microsoft? C'est Microsoft qui le fait. C'est une autre compagnie de Microsoft, mais c'est pas Rare qui le fait. Oh boy. Ok. Ouais. Bon. Ben, ça va être de la merde. Ça va être de la fucking merde. Fait que c'est pire en pire ce qu'on apprend sur... Double X Games. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Double X Games? Ah, mon Dieu, pas eux autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? G.I. Joe, The Rise of Cobra. Silent Hill Homecoming. C'est pour... Et voilà pourquoi j'ai dit pas eux autres. Green Lantern, Rise of the Manhunters. Battleship. Archi mauvais. Grosse merde. Bon, ok. Battleship, c'était mauvais. Mais ils font Strider. Hein. Ils ont fait Strider aussi, là, tu sais. Ça va pas bien, là. Strider. Pam, pam, pam, pam, pam. Strider. Je pense que je vais jouer encore sur ma version Genesis. Strider. Ouais, fait que finalement, ils ont fait de la crap. Fait que, grosse chance que Killer Instinct, ça soit de la grosse crap. Eh, c'est confirmé. Et voilà, on a réussi à bâcher encore Xbox One. On met sans le jouer encore. C'est facile. C'est inconscient. c'est tellement facile. Ça sort tout seul. Ouais, écoute, Xbox One, c'est bâcher. Juste mentionner Xbox One, c'est bâcher Xbox One. C'est pas compliqué. Mais c'est facile. J'ai jamais eu autant de facilité à bâcher une console. Et je vais être un et qui va en acheter un jour, tu sais, ça se le pire. Non! On te défend, Ben. Je sais pas si je vais peut-être en avoir une ou pas, comme je dis. Je vais peut-être attendre qu'elle tombe à 100$. Ben, ça fait, ça marchera peut-être pas non plus. Ben, à 100$, je sais pas. Je vais l'envoyer à Retro pour qu'il puisse bisouner de quoi avec la Kinect. Qui? Je vais le renvoyer à Jog pour qu'il arrange la Kinect. D'accord. Pour pas que le gouvernement américain me surveille. J'ai pas la Kinect. Non, mais tu vas pas peut-être le bisonner. Pourquoi je voudrais la bisonner? Ben, tu vas peut-être l'arranger pour pas que le gouvernement américain me surveille pendant que je fais mon fou à Just Dance. Mais tout le monde veut te voir danser à Just Dance. Non, tu me l'as jamais demandé. Ben, pourquoi tu le fais pas? Ben, demande-moi aller. Ben, je te le demande, là. Fais-nous des vidéos à chaque fois que tu danses, puis crée ça sur YouTube. Ok. Tu vas danser avec moi au mois de novembre? Non. Oui. Oui. Oui. Non. Oui. Oui. Aucune chance. Ça zéro. La condition pour que... Nul pin bar. La condition pour que Ben fasse tes vidéos, jog, fait que... Non, mais Marie, elle parle... Marie, elle voudrait que j'aille chercher Just Dance 2014. Fait si tu me fous une coupe de bière dans le corps, oui, peut-être, mais pas avant. Combien de bières tu veux, là? On va prendre une caisse de 12. Acheter une caisse de 24, on est correct pour tout le monde. Tabarnak. Bon, fait que, ben, c'est ça. Sinon, à part de ça, ben, Sarah 2011 dit que c'est le seal, le crap seal of quality qui va arriver. Oui, effectivement. Sinon, à part ça, accrochez-vous à voir des pubs de Windex mettant en vedette le testeur alpha. Ça lave tellement bien que je décide de me laver dedans avec. En passant, là, la guerre est assez cruelle, je trouve, avec Alpha, parce que là, ça parle de même tuer Alpha maintenant. Quoi? Hein? Cascade plus Nutella plus Windex égale tuer Alpha. Excusez, mais ça, c'est une suggestion un petit peu élevée, ça, là. Pourquoi Cascade? C'est vrai que vu que Nutella est dedans... Ouais. Cascade et Windex correct, mais ton Nutella va te tuer, je pense. Ouais, c'est ça. C'est trop. Bon, on embarque-tu dans la nouvelle? Dans le sujet du jour? Des nouvelles? C'est pas ça qu'on faisait depuis un an et demi? Ouais, c'est pas mal ça. Mais il y avait tellement des bonnes nouvelles que fallait que la place de Ben, c'est ça, on va jaser ouais. une mauvaise nouvelle, puis on va jaser en gros de cette compagnie-là. Parce que oui, le sujet du jour, on va jaser de Capcom. Capcom, qui est probablement une des compagnies les plus reconnues dans le monde du jeu vidéo, on s'entend. Ils ont sorti des excellents titres, autant bons que mauvais. Et, ben écoutez, ces temps-ci, ça va pas bien chez Capcom. Il en reste en ce moment en banque, là. OK, en argent, là, pour une compagnie de jeux vidéo, le montant de 152 millions. Ce qui, vraiment, là, c'est du change. Pour vous et moi, là, disons que c'est suffisant pour vivre une vie de fou jusqu'au restant de vos jours, là. Puis en pour une grosse encore. Compagnie... Ouais, c'est ça. Mais pour une grosse compagnie de gaming de même, là, c'est rien, là. Ils sont vraiment, là... Ouais. Avec c'est... toutes les assets qu'ils ont, 152 millions, là, c'est rien. Ah, c'est vraiment là, du petit change. Fait qu'on va faire un petit peu le même exercice qu'on avait fait lorsqu'on avait fait le podcast live au GeekFest. On va retourner dans le temps, on va jaser des bons jeux, on va jaser de qu'est-ce qui, la genèse, mettons, de Capcom, puis on va s'en venir jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé. Voir un peu pourquoi ils sont rendus. On va commencer. Écoutez, votre premier jeu de Capcom que vous avez joué, c'est quoi? Mega Man. Mega Man 2. Mega Man. Écoute. Mega Man 2. That's it, hein? Écoute, c'est il est accessible au moins lui. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là. C'est le premier jeu? Moi, j'ai pas passé à côté, là. Non, t'as peu. Moi, c'est 1942. Ouais, c'est 1942, moi, que j'ai joué le premier jeu de Capcom. 1942, moi, tout. C'est ça, on a des très... C'est quoi vous le souvenir que vous aviez de Capcom dans le temps de la NES pour vous? C'est que pour un jeu qui n'est pas fait par Nintendo eux-mêmes, comme Mario ou Zelda, ça avait quand même un dynamisme intéressant qui en par le fait même, ouvrait des portes pour d'autres, pour ce même type de dynamisme en termes de gameplay et d'animation. Dans le temps de la NES, là, Capcom, c'était une bombe. La gloire. Là. C'était juste de la gloire. Ben oui. That's it, là. Sur toute la ligne. Ben oui. Tous les jeux qui sortaient, là, c'était insane. Hey, t'avais Mega Man là-dedans, t'avais tous les jeux de Disney dans ce temps-là qui torchaient des culs. Les Street Fighter. Les Street Fighter. Ouais, Street Fighter Nintendo ou... Super Nintendo. Non, ouais, c'est ça. Plus temps, ouais. Comment ça s'appelle? Bionic Commando. Oui, Bionic Commando, la série 1940, là, 42-43, puis à Japon, il y avait 44. Plein de jeux, bons jeux de plateforme, genre Darkwing Duck, il y avait aussi, non, oui, ben, comme tu as dit, là, les jeux de Disney, là, oui. Toute cette gang-là. Là. Hey, même la petite sirène, il est bon jeu. Oh, ils sont tous bons. C'est ça. C'est ça l'affaire, ils sont tous bons. C'est juste Magical Kingdom qui peut-être est un petit peu. C'est le moins bon de la gang. Et puis Ghosts and Goblins. Oh ouais. My god! S'il y avait un jeu qui m'a fait ramasser une manette, c'est bien celle-là. C'est ah ouais, ben moi aussi, je l'ai pitché à cassette dans les escaliers puis tout. Quoi, j'ai eu les frustrations aussi, là. On disait tout que c'était un jeu de marbre, mais on voulait tout le finir. Ah oui. Mais écoutez, il y a un de nos fans qui l'a fini hier soir sur. Ghosts and Goblins sur NES, c'est Rad. Oh, félicitations! Félicitations, Rad, pour ça, oui. Puis là, tu l'as fait à 200%, là. Ah oui, parce qu'il faut le faire à 200% pour vraiment le passer. C'est ça. Fait que, non, ouais, félicitations, puis c'est un jeu qui est encore difficile de notre époque, là. C'est une série qui pardonne pas. Non. C'est ton erreur. T'es bon ou t'es poche, point. Et moi, je suis fier de dire que je suis poche. Moi aussi. Je sacre encore beaucoup quand je joue à n'importe quel Ghost and Goose ou Ghost and Goblins. Une chance que les manettes coûtent cher aujourd'hui et qu'on veut pas les pitcher parce que. Même. Parce que sinon Nintendo ferait fortune, je pense. Ouais, que j'aurais 50 millions de Wiimote là, à mon actif. Là. Non, je pense que tu aurais tellement de pièces détachées que tu serais capable de t'en faire une coupe. Ah, probablement, je pourrais récupérer. Pour ça. Après ça, recyclage. Ouais. Après ça, on arrivait dans le temps de la Super Nintendo, Sega Genesis, où Capcom ont très activement créé des jeux et des nouvelles licences qui sont encore accessibles aujourd'hui. La plus populaire, Street Fighter. Street Fighter 2, plus précisément, avec les nombreuses versions différentes du même jeu. Hyper Ultra. Moi, je pense que c'est là qu'ils ont commencé à l'échapper. Tu penses que c'est là? Quand t'es rendu à faire 10 millions de versions de Street Fighter 2 là, pour une console, il y a un problème. Ben, il y a raison là. Street Fighter, The World Warrior, Street Fighter Hyper Edition, Super Street Fighter 2, blablabla, Super Mega Extra Turbo Street Fighter 2, tu sais, je me demandais, là. Alors que d'autres pensaient que c'était une innovation, c'est quand même eux autres qui ont passé ce bal-là, de faire plusieurs versions du même critique jeu. Ouais, puis je sais pas, ils ont-tu commencé à l'échapper là, je le sais pas, parce qu'après ça, ils ont eu la très excellente série Resident Evil qui est arrivée. Ouais, bon, de nos jours, Resident Evil bof, là, ça se discute, là. Mais ça a été gros, là, Resident Evil 1 et 2. Là. Ouais, dans le temps de la PlayStation, ça a été excellent, ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est incontournable. Mais si on retourne sur le Super NES, là, il y a une série également qui est intéressante, très très bonne, Final Fight. Final Fight, effectivement, c'était moi, c'était mon jeu aux arcades. C'est un excellent jeu. Moi, je me souviens de Night of the Round. Night of the Round? Night of the Round, qui est un excellent beat-up. Ouais, il y en avait plusieurs de jeux de Capcom de ça, comme le dernier qui ont ressorti Chronicles of Hystera. Oui, Dungeons & Dragons. Ouais, j'ai pas joué celui-là encore, pardon. Moi, j'ai joué aux versions originales arcade, puis je l'ai sur la Wii U aussi. C'était des astuces de bons jeux, ça. Mais Capcom était fort dans les jeux d'arcade puis dans les ports des jeux d'arcade. Oui. Mm-hmm. Mega Man X, la série a commencé là. Ben oui. Elle était fucking bonne. Je pense à le faire en plus, toi tu viens de finir le premier X. Je l'ai même pas fini encore. Non, je jouais à Earthbound en même temps. Là, j'ai fini Earthbound puis je suis sur autre chose. Là, fait que. Éventuellement, je vais y retourner, mais je suis en train de les découvrir. Là. C'est ça, la série X est vraiment 40. Moi, c'est une de mes séries préférées sur le Super Nintendo. X, c'est hit and miss. Le premier était bon, le deuxième était so-so, le troisième était cool à l'os. Le quatrième, super parce que c'était différent graphiquement. Mm. Cinq, c'était. Six, c'était. Sept, c'était. Puis huit, c'était. Un peu revenu, mais c'était déjà trop tard. Ouais. Mais j'ai pas joué RPG qu'il avait fait sur PS2. Moi, je l'avais sur GameCube, Command Mission. Ouais. Et moi, je l'ai trouvé très bon. Qu'est-ce que tu en penses à Jug? De? Command Mission. Command Mission, moi, je l'ai très bien aimé sur GameCube. Il est pas un peu court? Il est très court, mais ouais, il vaut la peine. Sérieux, là, si vous pouvez être capable de vous le procurer, là, go. Il y avait également... il était aussi... Capcom, à l'époque, il s'en venait bon aussi avec les RPG. On pense à la série Breath of Fire. Qui a commencé sur Super NES. Le premier, je pense, c'était avec Squaresoft qui l'ont fait. Oui, c'est ça. Non, la version américaine, je suis sur la liste de jeux présentement de Capcom, la version américaine a été publiée par Squaresoft. Okay. Effectivement, c'est une création de Capcom. Pour leur donner ça. La collaboration de Capcom avec Nintendo pour les Oracles, je pense, ça se peut-tu? Oui, ça. Le port de Link to the Past pour le Game Boy Advance, tu penses? Oui. Mm-hmm. Fait que non, ils ont souvent travaillé. Ils ont travaillé pas mal souvent avec Nintendo pour ce qui est des ports des jeux. Pour ce qui est de la Game Boy Advance. Et moi, je suis principalement sur la Game Boy Advance. Sinon, après ça, on s'en va PlayStation. Mega Man Legend apparu sur cette console-là. Mm-hmm. C'est aimé par des fans. Moi, je suis pas un fan. Moi, j'ai pas trippé sur mes Legion. C'est les contrôles qui fait que t'aimes pas ça ou... L'univers. C'est l'univers, je trouve que je sais pas. Je trippe moins voir Megaman se promener dans un monde ouvert. Moi, je trouvais ça comme. Puis en plus, il est lent, il fait juste un pea-shooter. J'aimais pas le style, moi, personnellement. Non, moi, j'y ai jamais joué non plus, fait que je peux pas vraiment m'avancer, mais Mega Man, là, c'est un jeu de plateforme en 2D, regarde. Si t'essaies de changer ça, là, tu pars mal. Why change a good thing? Ah ouais, il est parfait de même, là. Tout ce que tu peux changer, c'est inventer des nouveaux ennemis, changer un peu le gameplay, mais genre, va pas 3D avec des simili wannabe whatever, là, parce que tu vas te planter. Qu'est-ce que vous avez pensé de Megaman 8 sur PlayStation 1? Megaman 8, moi j'ai adoré. J'y ai à peine joué. Fait que je peux pas vraiment en parler. C'est que c'est lui qui est le plus basé sur une histoire. Que je pense que c'est le premier de la gang qui a implémenté que d'animation. Et ouais. Qui plus est, c'est le premier Megaman aussi. Megaman peut nager! Ouais, ça c'était fucking wow. Weird. Mais je trouvais que l'histoire était cool, pareil. L'histoire est pas pire, mais le. Les voix, par exemple, me tapaient ses nerfs, ça, je suis d'accord. Non, moi, c'est le gameplay qui me gossait parce que quand tu es habitué d'avoir joué 1 à 6, déjà, les sprites sont différents, puis c'est pas le même feeling. Je sais pas comment te décrire, mais quand tu fais bouger Megaman, c'est weird. Ça file pas. Le bonhomme est plus gros aussi, là. C'est bizarre, je trouve. Ok. Sinon, à part ça, sur PlayStation 1, Capcom ont sorti Resident Evil, qui a été une vache à lait, on s'entend. Mm-hmm. Ils sont pas mis sur PlayStation. C'est pas mal ça qui a relancé Capcom en PlayStation également, ça l'a dit. Mm-hmm. On n'en jasera pas beaucoup parce que les accros, on va regarder ça pour l'épisode spécial d'Halloween. Parce que oui, effectivement, on va jaser de Resident Evil pour l'épisode d'Halloween des accros. Fait que non, c'est quand même c'est quand même quelque chose d'important pour la série de Capcom. Ouais, disons qu'on peut pas passer à côté de Capcom sans parler de Resident Evil. Non, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à Rad qui m'a fait rappeler que il y avait Marvel vs Capcom sur PlayStation, qui était un des premiers gros crossover qui a été dans un jeu de bataille. Mm-hmm. Puis il y avait aussi X-Men à l'époque. Il y avait X-Men vs Street Fighter. Il y avait une chier de jeu de combat là, qui était sorti à l'époque. Là. Ben, le style arcade, c'est ça qui a fait. C'est ça qui a popularisé Capcom, surtout quand on le dit au départ, en fait. Mm-hmm. Je me trompe pas, c'était avec moi. D'abord Capcom, il faisait des jeux d'arcade avant de faire des jeux maison. Oui, la plupart des jeux sont apparus directement à l'arcade avant de s'en aller vers. Mais c'est ça, ils n'ont pas sorti la console très long, super longtemps après. C'était pas mal un an après. Mm-hmm. Parce que, comme 1942, c'est comme pas mal le premier jeu d'arcade qu'ils ont fait. Là. Ouais. Pas mal, ouais. Puis ça, tu sais, je veux dire, dans ça là il y avait Nintendo déjà. Là, fait que le portage a été fait sur plusieurs consoles puis plusieurs ordi. Mm-hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais bon, faut quand même leur dire que la PlayStation a été quand même une très très bonne amie de Capcom pour ça, parce qu'ils ont sorti pas mal de jeux à l'époque. Ben ouais. Puis ils ont continué à faire des jeux d'arcade tout le long aussi, puis je pense que c'était là leur force. Ouais. Après ça, côté PlayStation, je pense qu'on a fini. 64, t'es pas bien présent. 64, c'était plus des ports. T'avais le port de Resident Evil 2, t'avais le port de justement Mega Man Legend qui eux appelaient Mega Man 64. Ouais. Parce que là, ce sera pas bien long, je te confirmer aussi que c'est qui ont pu être d'intérêt digne de mention. En tout cas, pour ce qui est de 64, t'es pas bien présent. On pourrait s'en aller directement sur Dreamcast. Oui, rendu là, oui. Power Stone. Avez-vous déjà joué à ça? Non. À peine, malheureusement. Je vous dirais que c'est un petit peu. Parce que s'il aurait sorti avant Smash Bros, je pense on aurait pu dire que ça aurait été le descendant de Smash Bros. L'idée en ensemble est Smash Bros, mais dans un univers plus 3D, vue isométrique sur le dessus, puis ton but, c'est de rentrer dans le top. C'est vraiment un petit jeu de party vraiment fun. Mais sinon, par ça, il y avait Code Veronica qui était sorti sur la Dreamcast. Il y avait la plupart des ports de jeux qui étaient sortis arcade, donc Marvel vs. Capcom, puis tout ça, qui était sorti là-dessus aussi. C'était très, très intéressant. Dino Crisis, par exemple, je viens de voir ça, là, je suis comme... J'ai jamais aimé cette série-là. Ça a été bizarre, ça. Ça n'a pas été un succès. C'est entre guillemets Resident Evil, mais plus top, puis avec des dinosaures. Si tu mélangeais Jurassic Park avec Resident Evil, c'est ça que ça donnerait. Ouais. C'est ça que ça donne. Mais Il y avait des. Mais c'est juste pour revenir au Super Nintendo, il y avait un super bon jeu là, qui était un spin-off de Ghosts and Goblins, de Ghosts and Ghosts, Demon's Crest. Oui, il vaut j'en ai entendu fortune, parler, mais j'ai jamais joué. Là. Il vaut une petite fortune. J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu. Ben, c'est, dans le fond, c'est la série Gargoyle's Quest. Gargoyle's Quest, ouais, c'est ça. C'est juste le, okay. Je pense, le troisième, ça, je pense, dans la série. Ok. Ça, je pourrais pas dire. C'est quoi, j'ai joué au premier qui était sur Nintendo. Ok. Ben, ah, ouais, ils sont tous dispendieux, ces jeux-là, encore. Là. Oui. Ben, les bons jeux, ça se vend bien. Hein. Ben, c'est, plus, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont bons, mais non. Des fois parce qu'ils sont rares. T'sais. J'ai plus l'impression que c'est parce qu'ils sont rares, parce que... Il y en a qui c'est de la merde, puis ils l'achètent. Sinon, après ça, on pourrait s'en aller vers la PlayStation 2. Donc, là aussi, ils sont comme pas mal allés, sont pas mal laissés aller, je te dirais. Oui, Devil May Cry, qui t'appelle là-dessus. Moi, c'est une série que j'ai capotée à l'époque. Le premier, en tout cas, là. Le 2... pas très bon. Le 3, je trouvais pas pire. Le 4, après ça, c'est 360, j'ai commencé à tenir. Devil May Cry, là, hein? Ouais, c'est en haut puis en bas. C'est toujours en denti, Devil May Cry. Ouais. C'est ça que je trouvais plate. Sinon, après ça, ils ont sorti Onimusha, une série que j'avais vraiment trippé. Les trois premiers étaient vraiment bons. Surtout le troisième avec Jean Reno. Fucking nowhere. Jean Reno. Tu sais, tu vas chercher un acteur. De la trempe de Jean Reno pour jouer dans ton jeu. Puis, à l'époque, mes chums, où est-ce que je travaillais au magasin de jeux vidéo, ils disaient hey, c'est une grosse vedette au Japon. C'est comme Jean Reno. Hein? Jean Reno, une grosse vedette au Japon. Ah bon? Ils sont vraiment fuckés. tu peux le dire, oh, regarde, Scarlett Johansson, c'est correct. Il peut avoir bien des fans, mais Jean Reno. Pas au Japon tant que ça de mémoire, mais ok. Peut-être depuis Wasabi, mais virgule, ok, non. C'est correct. Hein. Sinon, pas ça. Beautiful Joe. Ah, Beautiful Joe. Vraiment bon, ça. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu-là, si vous voulez un jeu qui sera pas plus du style rétro pour la plateforme, ben, Beautiful Joe, c'est votre tasse de thé, ça je vous le garantis. Ça fait penser beaucoup aux super-héros japonais, style Sentai, je pense qu'ils appellent ça. Au Sentai, ça fait un peu penser au Sentai, mais là on parle aussi d'un personnage qui utilise des effets spéciaux de cinéma pour combattre. Fait que, il peut combattre ses ennemis avec slow motion, il peut combattre ses ennemis avec des jump shots. Fast forward. C'est juste génial comme concept. Ah, ouais. C'est vraiment cool. Donc, si jamais vous le trouvez dans un bac à 5$, là, allez le chercher, il est vraiment bon. Sinon, à part ça... Mais c'est une série, par exemple, je trouve plate, là, Beautiful Joe, c'est qu'elle n'a jamais eu le succès qu'elle aurait dû être ici. Effectivement, mais ça, c'est parce que c'est surtout à cause de ses jeux sur PSP, le jeu Rumble, qui était pas... Le style, moi, je préfère tout, c'est le style très japonais de la série qui est... Ça ne pas avec tout le monde ici. Là. C'est très niche comme. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Mmh. Je veux dire, tu veux pas nier que c'est full japonais à l'os, là, le style visuel. Pis tout, est-ce que tu dirais dans ce cas la même chose du jeu Okami? Non, mais c'est pas pareil. Ça. C'est le gameplay d'Okami qui est différent. Hein. Qui fait toute la game, le jeu. Tandis que dans Beautiful Joe, c'est tout le visuel qui fait le jeu quasiment. Parce que c'est le gameplay basé sur les visuels de cinéma, puis c'est japonais au bout. Puis... Moi, j'aime ça, Beautiful Joe, là, mais ici, en Amérique, c'est pas tout le monde qui aime le style japonais. Puis... Non, c'est sûr. Je pense que, à ma part, c'est une erreur de marketing. Ah, ok. Même. T'as aussi Killer 7 qui a sorti, puis que ça n'a pas été bien un succès non plus, là. Non, ça je peux maintenir, mais je suis encore maintenu aujourd'hui du fait qu'il y a des fans qui ont chialé après les IGN, les GameSpot et toutes les critiques de possibles en Amérique pour les fans qui comprenaient pas le jeu, qui savaient pas de quoi qu'ils parlaient. Mais effectivement, ben, c'est un jeu de ben, moi j'ai rien compris. C'est très bizarre comme jeu. Mm. C'est quoi Killer 7? Juste, moi, j'y ai jamais joué. Est-ce que tu me permets, Ben? Ou, oh oui, vas-y. Killer 7, en résumé, c'est en quelques lignes, c'est t'es un assassin qui doit découvrir les dessous d'une conspiration gouvernementale entre le Japon et l'Amérique. Sans quoi, ça peut être la fin du monde, au fond. Ça c'est comme la grande ligne. Ok. C'est pas mal plus que ça, Killer7. Le gameplay Killer7, c'est que pense à un shooter style Call of Duty, sauf que tu peux jouer en troisième perspective quand même. C'est juste qu'au lieu d'avoir un personnage avec mettons 10 armes ou whatever dans Killer7, ben t'as un personnage pour une arme. C'est ça, c'est très étrange comme gameplay, je t'avouerais que t'es ses rails en plus, là, j'ai quand même, ouais, j'ai pas tapé. T'as pas une liberté de mouvement que t'aurais pu normalement sur un FPS normal, tu sais. C'est une décision de jeu qui est sûrement l'aspect qui a fait que Killer7, c'est pas lui non plus atteint le succès que ça aurait dû. Mais c'était un jeu, je dois moi-même l'admettre, qui est un grand fan de Killer7. Killer7, c'est une pilule dure à avaler parce qu'il y a beaucoup de complications, il y a beaucoup de... C'est très ouvert comme à interprétation. C'est, tu peux pas arriver et dire que tu comprends le jeu d'un coup, faut que tu ailles jouer au moins une bonne douzaine de fois pour vraiment bien comprendre, puis encore là. Ben d'accord avec toi. Mais ça reste un bon jeu. Ouais. Pour moi. Game Boy Advance, rapidement, ben il avait sorti une série de Mega Man qui s'appelait Battle Control, qui était Battle Transmission, excusez-moi, je sais pas si ça s'appelait Battle Transmission. Ah non, c'est Battle Network. Battle Network. Ouais. Qui était bouf. Pas sa coche, là. Ben, non, ça a été sa coche pour ceux qui étaient dans tout le truc de Mega... De Pokémon, puis etc. Ouais. Parce qu'ils n'ont quand même fait pas mal. Battle Network, il y en a eu 6, puis... 6, puis à partir de 4, il y avait comme deux versions de chaque, là. Ouais, c'est ça. Ben, je pense à partir de 3, si je me souviens. Non, je pense pas, moi, je suis sur la page de Wikipédia, puis c'est à partir de Network 4 qui appelait ça Blue Moon, puis Red Sun. Non, moi, ici, j'ai Battle Network 3 Blue, puis Battle Network 3 White. Ah, ça se peut. Oh, peut-être. Je peux juste pas remarquer. Mais moi, j'avais joué à la version GameCube du jeu. Ouais, ça, c'était différent. Side-scroller, un peu. Puis ça, fait que c'était très différent, puis il avait même sorti une série qui passait à Télétoon à l'époque. Une série télé de cette série-là de Network Transmission, c'était assez bizarre. Mais ils ont fait Megaman Zero pour compenser. Megaman Zero. Ouais, c'est je sais pas, tu sais, faisais quoi là? Megaman Zero, tabarnak. Ah, ok, oui, excuse, c'est la suite de Megaman X, c'est vrai. C'est ça, avec Zéro comme personnage principal. Oui, ça se passe. Les histoires se passent après Mega Man X, parce que X est devenu méchant. C'est plus compliqué que ça, en fait. Oui, c'est plus compliqué que ça, oui. Et une part de X qui est devenue corrompu, on sait pas vraiment pourquoi, mais effectivement, X est comme divisé, dans le fond. L'entité, le programme, le code de X est divisé. Si tu vois que. C'est comme pas mal la meilleure chose, la meilleure manière que je peux expliquer sans faire non plus de gros spoilers. Mais pour les fans de Zéro, en tout cas, ça a été une bénédiction qui sort ça parce que Zéro était pas. C'était pas un personnage qui était hyper utilisé à partir de. Mega Man X4, X5, mais X6, je pense que tu l'as pas. Tu l'as dans X6. Oui, tu l'as. Ah, ok, je m'en souvenais pas. Non, c'est dans le 5 qu'il faut que tu délivres. Dans le 5 ou dans le 6? Dans le 6, il crève, tu ramasses son sabre, puis je pense qu'il faut que tu le retrouves à une place X, à quelque part. Ouais, c'est ça. C'est dans le 6, dans le 7. Merci, Ben. Ouais, parce que dans le 5, il est rentré dans la fusée pour aller crasher dans la comète qui va attaquer la Terre. Ouais. Là. Qu'est-ce que j'ai comme... Comme comment on appelle ça? Useless knowledge. Useless knowledge. Useless, but fun. Mais tu sais, il y a un YouTuber que je suivais à l'époque qui s'appelait Handsome Tom, que lui, il avait vraiment sa section qui s'appelait Handsome Tom Useless Knowledge. C'était drôle. C'était hot. C'était hot, sérieux. Fait que je vais demander à toi, antithèse, de me faire un thème Big Ben Useless Knowledge. OK. On fait en partie, on fait en partie après le podcast? Après le podcast. rapidement, sinon, on tombe dans une console assez nouvelle, PlayStation 3, Xbox 360. Ben écoutez, puis on parle aussi des consoles à cette heure qui existent. Là. On s'entend que les Monster Hunter ont été une bénédiction, je pense, avec la folie qui se passe au Japon à propos de cette série-là. Moi, j'ai pas embarqué réellement dans le démo que j'ai joué. Faudrait peut-être que je loue une fin de semaine, voir si ça serait mon genre de jeu. Mais j'aime l'idée d'aller chasser des gros monstres. Ça ressemble un petit peu à MMORPG, mais offline. Je trouve ça intéressant. Ah, c'est intéressant, Monster Hunter, mais c'est juste comme j'avais déjà dit, c'est beaucoup de temps à investir. Mm. Dead Rising, une série qui est vraiment le fun. Qui a joué au 2 ici? Moi, j'ai joué au... c'est pas le 2, c'est l'épisode qui se passe avant le 2. Dans ce que tu pouvais le télécharger, ça coûtait comme 5$, tu avais une mission dans une petite ville. Ils l'ont pas sorti en tant que Dead Rising 2, c'est comme deux de Dead Rising 2 qui sont sortis au PlayStation 3 et Xbox 360. Ben, c'est peut-être une des deux versions, là. Ben, moi, c'est vraiment genre, j'ai payé 10$ sur... non, je pense que c'était 5$ sur Xbox Arcade. Puis t'avais comme un épisode de Dead Rising qui se passait avant le 2. Puis tu vois genre le père puis la fille qui était comme dans la petite ville puis qui lui il faut qu'il essaie de trouver des seringues pour sauver ben c'est comme ralentir le virus dans le sang de sa fille là. Sinon à part ça sur PlayStation 3 puis Xbox 360 ben c'était le grand retour de Street Fighter qui était là-dessus. Marvel vs Capcom 3 qui était très bon. Lost Planet, j'ai jamais joué. C'est bon. Lequel? Lost Planet, j'ai jamais joué à ça. Non plus. Fait que c'est à peu près là qu'on peut dire, moi je trouve là, que c'est là que ça a commencé à planter pas mal pour Capcom. Ben, est-ce que vous saviez que la, là on tantôt parlait qu'il était en situation financière assez catastrophique. Ouais. Il était déjà à l'aube de la sortie de Resident Evil 5. Resident Evil 5, c'était le jeu qui, sur qui, justement, on parlait de miser, ben justement, Resident Evil 5, ils misaient énormément sur le succès de ce jeu-là pour pouvoir sauver leur compagnie, ce qui fut le cas. Mais, en tout cas, c'est un des seuls jeux que j'ai acheté à sortie. Je pense que c'est quasiment l'année dernière que j'ai acheté à sa sortie. Oh my god, ça dit tout. Ça m'a fait chier quand j'ai su, quand j'ai joué, j'ai fait comme fait, ah, c'est-tu qu'elle est poche? Excusez-moi. La noire, là, j'étais comme... Ah, c'est mal à mort. Quand tu joues tout seul, là, t'es comme... Arrête de tirer sur le gros monstre avec ton petit gun, t'as une mitraillette qui est à côté de toi, la petite nonone! Ça, tu peux que je sache... Qu'as-tu la colère, là? Vous commencez à teinter sur moi, là, les gars. Mais non, c'était vrai, j'étais vraiment en colère. J'étais comme... Elle était en train de vider tout mon stock de petites balles, genre, je ramassais depuis le début du jeu, là. Parce pour un monstre aussi gros qu'un Kraken. Oh c'est pas du pistolet sur le Kraken, ça sert à rien. Il y a une mitraillette qui avait des balles limitées, tu tires de là. Le Kraken rit de ta gueule à ce moment-là. Et pas mal. Fait que je suis arrivé à côté, j'ai ramassé les balles, j'ai dit, tiens, poigne le bâton. Fait qu'elle restait sur le côté, elle faisait rien, moi je tirais des grosses mitraillettes. Mais on peut dire que c'est à peu près là, dans le temps de la 360 et de l'Xbox, ben de la PlayStation, que ça baissait. Ouais, ben, clairement, il y avait déjà plus la gloire qu'il y avait dans le temps. Là. L'autre affaire, c'est que les jeux, leurs jeux commençaient à coûter vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment cher à produire. Selon vous, c'est quoi la décision qui a fait en sorte que... Le DLC on disc. Merci beaucoup. Merci c'est beaucoup. Vrai. Tu peux-tu expliquer un petit peu c'est quoi le DLC on disque pour ceux qui savent c'est du contenu downloadable qui est déjà sur le disque, puis dans le fond, tu payes pour le débloquer. Puis ça, c'est carrément cave. C'est cheap. C'est de la crosse. C'est du essayer de faire de l'argent, mais au détriment de la joie de tes fans, finalement. Dans le fond, tu as déjà payé pour le contenu en achetant le jeu parce qu'il est sur ton disque. Ben oui. Puis tu payes pour avoir un code pour débarrer. Puis quand tu checks là, sur ton disque, puis quand tu payes pour ton téléchargement, puis c'est 15K, ouais. C'est une crosse. C'est juste une crosse. Alors là, j'ai payé 10$ pour ça. Mettons, là. C'est souvent ça en réalité. C'est genre là. Ouais. Ouais, bravo. Ça, c'est le fait qu'ils font. Ils font continuellement, Capcom, ils l'ont fait continuellement. D'ailleurs, Capcom, c'était une des premières compagnies à, par exemple, pour le PlayStation 1, à faire des, à se créer des blocs pour les, admettons, les PlayStation shipping, qui avait créé à l'époque une grosse run chez les gamers. Mais moi, tu me rappelles juste du mode multijoueur de Resident Evil 5. Pour la c'était le mode mercenaire, je pense. Fallait que tu payes comme 10$. Puis maintenant, mais oui, je pense effectivement. C'était de la crosse. C'était de la véritable grosse crosse. Fait que le DLC aussi, je pense. En général, le DLC, les microtransactions, ils ont beaucoup misé sur les microtransactions dans leur jeu. Par exemple, tu vas avoir une nouvelle arme, mais tu vas payer tant. Puis le pire, c'est que je pense à ça, là, à place de sortir des tonnes de versions de Street Fighter, là, s'il y aurait juste appliqué la sauce téléchargement pour chaque personnage que ça tente d'avoir de plus, ça aurait peut-être pu. Ça aurait peut-être fait moins chier les joueurs. Je le sais pas, ça. Que d'être obligé d'acheter la version super, ultra Street Fighter. Moi, en tout cas, là, je me sens que quand je me ramasse, j'achète Street Fighter 4, là. Puis je vois le gars, genre 2 mois plus tard, il va s'acheter Super Street Fighter 4, mais je peux pas jouer avec parce que ma version est pas compatible avec la sienne. Effectivement, c'est un autre coup de Capcom qui a fait chier ben des femmes. Mais ils ont aussi fait plusieurs mauvaises décisions là, tu sais, comme ils ont annulé, je pense, 4 jeux de Mega Man. Oui, Mega Man Legends 3, Mega Man Universe, Mega Man ça donne de... Excusez-moi, mais quelle impression ça donne? Là? Ça donne que la compagnie a scalisé de Mega Man, je m'excuse, mais Mega Man, ça a été un méchant gros tremplin pour Capcom dans le temps de la Nintendo. Là. Mm-hmm. Même si, Colin, c'est ben, le jeu de Capcom, là, on s'entend. Là, il y en a eu 6 sur le NES. Là. C'est la série, la grosse Capcom. Série de Capcom. Puis là, qu'est-ce qu'ils font de nos jours avec? Ils collissent rien. Fait que c'est pour ça qu'on a la naissance de trucs comme Mighty Number One. Ne regarde pas pour rien. Là. Number 9. Qu'est-ce que j'ai dit? Number 1. Oui. Number 9. Et Number 1 dans son cœur. Ouais, c'est ça. Ah, correct. Oui, oui, antithèse? Non, je répétais ce que tu disais. Ah, ok. Mais non, mais c'est véritablement un pied de nez qui est arrivé avec Mighty Number 9. Veux pas, le créateur de Mega Man, moi, dans un sens, moi, je le vois de cette façon-là, ce qui est arrivé, il a fait, regarde, je vais partir ça de mon bord, puis les fans vont suivre, puis c'est ça qui est arrivé. T'en voulais ça. Yay, il avait besoin de quoi, 800 000, 900 000? 900 000. Imagine-toi si Capcom aurait juste sorti 900 000 de sa poche, en disant, regarde, fais-moi un autre Mega Man, là, puis je te donne ce montant-là, arrange-toi avec ça. Ils ont perdu toute l'équipe originale qui s'occupait de Mega Man. Ah oui, c'est sûr que ça aurait fonctionné. En plus, je vois pas de quoi il y avait si peur, Capcom, mais non. Fouille-moi pourquoi. Ils l'ont laissé mourir. Ils ont laissé partir toute la gang. Tous ceux qui ont fait les musiques, tous ceux qui ont fait les côtés artistiques, puis tout, ils sont tous avec Inufune à cette heure. Je sais pas, c'était quoi leur logique derrière ça, là? Probablement qu'il n'y en a pas. Ben, il a dû avoir un fuck avec l'administration là-bas pour dire, ben, nous autres, on part, on fait notre propre compagie. Probablement que c'est ça qui s'est dû arriver. Inafune, il travaillait sur quelque chose, puis il a fait comme, regarde, t'arrêtes ça, mais là, qu'est-ce que tu fasses, tu sais? Il y a peut-être eu des affaires qu'on sait pas, là. Il y a peut-être eu une chicane avec le grand boss, puis le grand boss, il a dit non, fuck off, puis l'autre, il dit, ouais, ben, moi, je m'en vais, tu sais. Il y a eu une chicane, ouais, juste à propos là, quand tu considères qu'Inafune voulait travailler sur Mega Man, voulait absolument qu'il y ait des Mega Man, puis le grand boss a dit non, faut créer du changement, faut avoir quelque chose de nouveau et de neuf et de beau, parce que c'est ça qu'on a, que le public demande. Puis Inafune a dit, ok, ben, fuck that noise, je m'en vais. Mais tu sais, c'est tellement, tu regardes, moi, je pense, à un moment donné, il y avait une décision. Ben, regarde Resident Evil 6, le créateur, il a argumenté pourquoi que le jeu était plus action que horreur, puis il disait que le but, c'était de toucher le plus de monde. Ah, non, mais en faisant ça, là, tu sais, dans le pied, il est mort. C'est tout. Puis c'est vraiment, regarde, là, c'est plus rendu un Resident Evil, c'est plus de l'horreur, c'est de l'action. C'est pas ça qu'on veut. C'est du Call of Duty, tu sais. La partie Chris, elle ressemble beaucoup à Call of Duty. Effectivement. Ouais. Ça devrait pas être comme ça. Ça doit pas être comme ça. Revenez au pire, Resident Evil 4, c'était ça. Ah, ça, c'est débile, ça, écoute. Moi, ça reste mon Resident Evil préféré, là, tu sais. Bon. Puis, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait que Capcom fasse pour venir? Je pense qu'il y a tellement de bad blood rendu là. Que... C'est sûr. Faudrait que pour commencer, ils recommencent à rendre leur jeu quand même disponible. Là, je pense au Ace Attorney. Moi, je trouve ça bizarre qu'ils ressortent les Ace Attorney pour Android prochainement. Officiellement, Ace Attorney est sur iOS. Tu peux retrouver les Ace Attorney, au moins 3 des 5 jeux de Ace Attorney sur Wii. Mais tu l'as pas pour DS, qui était son médium qui a connu le plus de succès. Tu l'as pas pour DS, H3DS, en téléchargement. Ça peut être des tonnes de facteurs qui peuvent affecter ça. Ça peut être Nintendo qui a fait garde, j'ai tant de jeux qui sortent cet an-ci, tu peux pas être sorti dans cette fenêtre-là. Puis les autres ont fait, bon, et fuck off, je sors sur Android. Ça se peut. C'est pas juste Nintendo qui fait ça, même Sony et Microsoft font ça aussi. Même Steam le fait, là. C'est ça. Fait que ça peut être des tonnes de raisons, là. C'est pas, ça touche pas juste ça. Qu'est-ce qui pourrait sauver Capcom? Ça va être dur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le moulinet, là, mais avec leur... Tu sais, on s'entend avec le budget qui leur reste, là, la marge de manœuvre est pas grosse. Non. Ils peuvent plus essuyer d'autres échecs, là, commerciaux. Avec ce qu'ils ont, là, ça sent les mises à pied, puis... Les petits jeux genre remake de DuckTales, puis de... Ils vont peut-être... Le mobile. Ben, je te dirais que le mobile, c'est justement là qui est pas mal l'avenir sur bien des points, parce qu'il y a plus en plus de gens qui trippent justement sur l'aspect mobile. Et également le fait que si tu diffuses sur justement les jeux indépendants, il y a plusieurs jeux indépendants qui font justement qui, par le biais du mobile, gagnent bien leur vie. Oui, mais en même temps, je pense que c'est toutes les grosses compagnies AAA d'avant vont éventuellement arriver au point de Capcom parce qu'il y a de plus en plus de jeux indie qui surpassent souvent beaucoup de jeux AAA. Oui, c'est un très bon point ça, parce que non seulement il y a de plus en plus de compétition qui vient du indie, mais en plus, tu sais... On parle souvent du deuxième crash des jeux vidéo. Ça va s'essouffler à un moment donné. Parce que là, les compagnies investissent de plus en plus pour produire des jeux qui ne rapportent pas au prorata de ce qu'ils ont investi. Ça leur coûte de plus en plus cher faire des jeux, mais qui rapportent à peu près le même montant à chaque fois. Ça, c'est l'exception de GTA V, là. Oui. OK. Ouais, oui. Mais... C'est l'exception qui confirme la règle, là. Il y aura toujours des exceptions. Et GTA, cela dit, il a profité aussi d'une excellente campagne de marketing. C'était monstrueux. Ouais, non, ça a été réussi sur toute la ligne, là, GTA. Ça c'est officiel. Mais c'est ça, c'est à quel point ça va continuer comme ça. Un moment donné, l'industrie va se transformer ou ça va crasher. Je le sais pas, on verra, mais... Ils investissent de plus en plus pour des résultats qui sont les mêmes. Fait que finalement, ils pourront plus continuer à investir de même en augmentant parce que maintenant, ils feront plus d'argent. T'sais. Il va falloir qu'ils fassent des choix durs. Ça implique, moi, je pense, la vente de certaines licences pour pouvoir récupérer parce que rendu je vois pas comment ils pourraient sortir de la merde avec tout le nombre de franchises qu'ils ont à payer puis tous les droits de trademark. C'est comme tu dis, les autres grosses compagnies AAA, ils vont peut-être tous se ramasser un jour ou l'autre dans la situation de Capcom. Oui, Square Enix est pas loin, nous aussi. On a vu TSQ l'année passée. Ouais. On va être les jours, c'est des chiens déjà morts en plus, fait que faut voir un signe là-dedans. Mais THQ, mettons que... Tu sais, on s'entend qu'il y a à peu près 3-4 ans, c'était quand même un studio qui... c'était pas aussi gros, mais qui avait une certaine noblesse. Il y avait des certaines licences qui étaient intéressantes. Mais le problème de THQ, c'est finalement, au final, c'était la gérance était à chier. Ben, c'est ça. C'est ce qui arrive avec la plupart des beaucoup de compagnies, je vous avouerais, commencent à avoir beaucoup de misère, là, comme on jasait tantôt. Tu jasais d'Eidos, je suis pas surpris. Ils ont vendu énormément de Tomb Raider puis ils ont été déçus des résultats. Puis même à la limite, la division PlayStation commence à se poser des questions. C'est peut-être la dernière PlayStation qu'il va avoir. On sait pas. Il faut que ça marche. Fait que je pense que. On parlait tantôt de. On vient de comparer Capcom à Square, justement. Ben, c'est ça, justement, Capcom, ils veulent, eux autres, comme je t'apprends à lire, à part les jeux vidéo, ils aimeraient ça comme se lancer encore plus dans les films, comme avec les Resident Evil, de Generation et Damnation, pour se refaire leur argent. Ben, c'est justement ça qu'il y a Square Enix a failli casser le nez. Oui, avec ils se sont cassés le nez avec Final Fantasy. Le premier, ils ont été mardus de se faire sauver par Sony. Ils ont passé proche de la faillite avec ce film-là. Ah ben oui. C'était un flop mondial. Ils ont été très mardus d'avoir Sony pour les backer parce que sinon. Mais juste pour en revenir au indie, là, t'as plusieurs petites compagnies indie qui vont devenir peut-être plus grandes que Capcom éventuellement. Là. Moi, en tout cas, je regarde juste concept là, de avec Inufune, là, le fait qu'il a accumulé trois fois le montant qu'il avait besoin pour Mighty No. 9, c'est un signe que le monde est prêt à financer le jeu qu'ils veulent acheter. T'sais. On pense à Double Fine, pas Double Fine, comment ça s'appelle? Airbrain, qui ont fait Shadowrun, ils ont sorti leur deuxième Kickstarter, un autre succès. Celui qui ont fait Wasteland, un autre succès. Ils en ont sorti un autre, puis ça va être parti de même, mais il reste juste à savoir ce que les gamers vont suivre également. Je pense qu'on va laisser éventuellement Capcom, puis tous les grands d'antan, là, peut-être à part Nintendo, parce que les autres, ils nagent encore dans le cash, hein, d'après ce que je comprends. Hein. Oui. On a une crise de bout. Eux, ils n'ont pas de dette. Les autres n'ont pas de dette, puis ils nagent dans le cash. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, il va y avoir des compagnies comme Concept, WayForward, qui vont monter, puis qui vont devenir un jour peut-être aussi gros que Capcom, puis Square, puis Clickit, là. On ne sait pas, là, mais ça a l'air bien parti pour le indie, puis je pense peut-être qu'on assiste à une époque où, pour les 25 prochaines années, ça va être juste du indie, les plus gros titres. Là. Peut-être. C'est peut-être pas mal, plus mal pour autant, là. Le monde... Il va avoir des très bons jeux de qualité. C'est juste que ça sera plus des budgets insane de malade, mais. Ça sera pas. Il n'y aura pas du réaliste à tonne de bras non plus, là. Mais à quel point est-ce qu'on a besoin pour faire un bon jeu, tu sais? Absolument pas. Pas besoin. Voilà. Regarde Angry Birds. Voilà. C'est ça. C'est niaiseux, mais c'est ça. Les reviews, ils ont fait juste un petit jeu qui existait déjà à la base, le concept là, de catapulter des trucs dans une base. Ça a coûté 1$. C'est pas nouveau, là. 1$ chaque, puis regardez combien ils gagent dans l'argent. Ils gagent dans le cash review, là. Ah, ils font construire un parc d'attractions en Chine, en plus, là. PopCap, là. PopCap. Oh. Ouais, mais eux autres ont été achetés par EA. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est comme un cash cow de EA, là. Fait que là-dessus, on va aller voir la gang, parce que ça jase énormément sur le chat. Et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un tirage aussi. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Le tirage du t-shirt de Retro Gamer PQ, vous êtes le seul au monde à l'avoir. À part moi. À part toi, Jug, qui toi aussi t'as une copie, je pense. Oui, c'est sûr. Mais là, il va la conserver précieusement dans son garde-robe. Sur un cintre de bois. Non, je vais le porter. Là, ah, ok. Pour la nostalgie, quand même. Luigi dit que Megaman. Luigi 128 dit que Megaman Power Up sur PSP est quand même un remake de qualité. Je comprends. Que j'ai pas joué. Ouais. Ça n'a pas été un succès. Non, ça n'a pas été un succès. Ah, dommage. Il n'est pas forcément. Quand je peux vous dire ça. D'accord, c'est en fait, tu as joué entre Megaman avec les nouveaux graphiques, avec les stages originaux ou avec les nouveaux stages. Tu as plusieurs offres de gameplay pareil dans le jeu. Ouais, mais c'est. Moi, je sais pas. C'est le chibi là, qui me gosse un peu. Là. Androden dit moi, je dis qu'il faudrait qu'il refasse un Megaman en 2D comme sur NES, sauf avec de plus beaux graphiques. C'est ça qui se passe pas mal avec Mighty No. 9. Ouais, Mighty No. 9, c'est pas mal ça. Là. Sir 2011 dit que moi, je pense qu'il faudrait qu'ils ferment les séries qui ont eu de mauvaises critiques et qu'ils réengagent les personnes qui ont renvoyé pour Megaman et que tous les jeux annulés soient de retour. Ouh, ça se fera pas, ça. Ça se fera pas, ça. Leur ego leur permettra pas. Non, je pense pas non plus. Écoute, là. Il y a Sébastien Corbeil qui dit qu'il parlerait d'un reboot de Resident Evil. Je pense qu'il est temps pour rebooter la série. Ouais. Qui part sur de nouvelles bases. Ouais, qui repense leur concept comme faux, puis qui fasse quelque chose à grand déploiement. Ouais, puis qui arrête la licence de film avec Mila Jovovich chez vous. Non, mais ça, c'est ils arrêteront pas, ça fait du cash. C'est ça, malheureusement. Je comprends pas le principe. Je dis même à mon frère qui a pas de cette série-là, je fais Dan, pourquoi que t'aimes ça? Ben, moi, je trouve que c'est des bons films d'action. À part le 5, c'était de la merde. La merde est plus intéressante que le film. Ah. Hey, attention. Oui, mais à base, t'écoutes pas ces films-là pour l'histoire. Hein. Et surtout pas pour Mila. Non, mais je m'étais dit que Mila, c'est une bonne actrice, juste pas dans Resident Evil. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Ben, Léon, le professionnel. Avec Jean Reno. C'est pas que Jean Reno, Léon, le professionnel? Je pense que tu as raison, oui. Mais moi, je pense pas juste de ce film-là. Cinquième élément qui était que. Elle était en ses débuts, fait que c'est bon. Elle était pas si pire. Il y a pas mal de filles qui étaient cosplayées en elle au dernier Comic Con, en tout cas. C'est un fait. Mm-hmm. C'est un fait. C'est impressionnant. Sinon, Méthode Cobra. Sinon, pour venir avec ce que les gens disent sur le chat, Méthode Cobra qui mentionne j'aurais aimé voir un Darkstalker, mais ils vont pas le faire. Effectivement, Darkstalker, c'était. Quand même très sympathique comme jeu de combat fait par Capcom. C'est vrai. Je sais pas si vous connaissez Darkstalkers. Ouais, moi je connais. C'est une bonne série de combats, mais ils l'ont pas mal implanté dans les mashups, tu sais, Marvel vs. Capcom pis tout ça, fait que. Ouais, pour pouvoir tenir ça en haleine, oui, c'est fait que là-dessus, ben, tu avais raison. Rad dit, moi je vais au lit, il se fait tard en France, bientôt 4h du matin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, Rad. Bonne chance pour ceux qui veulent le t-shirt de Retro Gamer PQ et bonne soirée. Alors, ben merci beaucoup, Rad. En passant, gang, on a un auditeur anglophone. Je pense que oui. J'en ai un qui m'a écrit cette semaine, la semaine passée. Je vais aller chercher juste son courriel. C'est un gars qui apprend le français en nous écoutant. Bon, je sais pas si on est je sais pas si on est une bonne référence. On est quand même une meilleure référence que ben d'autres personnes, en fait. Alors, je vais vous lire le courriel rapidement. Il dit « Salut mes amis, je m'appelle Travis Morgan. J'ai écouté de ton podcast à travailler pour m'aider d'apprendre le français. » J'ai pensé que peut-être tu serais intéressé à notre nouvel album, Spectrum of Mana, qui est finalement une genre de son album qu'il a fait avec des amis, s'appelle Spectrum of Mana, qui est un remake de l'album de la musique de Secret of Mana. Puis c'est gratuit, si vous voulez aller voir le site internet, c'est spectrumofmana.com. Ok, mais dans le fond, il t'écrit pas pour te dire qu'il nous écoute, là. Il t'écrit pour faire de la pub. Là. Oui, il apprend le français en nous écoutant le podcast. Ouais, ok, d'accord. Ça a l'air torché pareil, là, l'affaire. Mais oui, c'est à écouter, là. Je vais le mettre, le lien, pour ceux qui sont sur YouTube. Je peux même pas, Colin. Mais vous pouvez aller voir Spectrum of Mana, ça a l'air très, très intéressant. Je vais probablement me télécharger l'album. Moi, je vais acheter le hard copy. Le quoi? Le hard copy? Oui. Combien qu'il vend? 16 piastres. Ah, c'est de l'allure. C'est bien de l'allure. Fait que, non, c'est ça. Ils viennent de faire de l'argent avec nous autres, juste avec ta pub, tabarnak. Mais quand même, regarde. Mais c'est pour ça qu'il est gris, là, tu sais, le gars, il est pas fou. Ça a marché! Mais bon, regardez, ça va à peine pareil. Puis si vous êtes des amateurs de musique, ben, go for it. Qui est-ce qui est pas amateur de musique? Qui est-ce qui fait comme « moi, la musique, j'haïs ça. » Ben, Jug. Moi, Jug. Non, wow. Comment, Jug? Non, je m'allais dire Beta, moi. J'ai vrai que j'écoute pas beaucoup de musique. Pas de musique que j'écoute, c'est des remixes de jeux vidéo pis de machin. Ah oui, mais ça c'est normal d'avoir des goûts. Mon goût, moi, c'est l'électronique pis les chiptunes pis. Ben, c'est correct. La musique de jeux vidéo. Pour moi, c'est un style. C'est... Ben, c'est ça. Donc, mais c'est ça, allez faire le petit tour, c'est spectrumofmana.com. Et là, tu vas me devoir 1$ par album vendu au Québec. No ben. Pour une pièce par album, là, c'est no ben. C'est une no ben. Si t'en vends 5, c'est une no ben. C'est un prix d'amis là, pour ben. Ah oui. Écoute, avant de nous quitter, je vais laisser la chance à Jog de faire son tirage. De son t-shirt de Retro Gamer PQ. Oui, donc pour participer, ben, il fallait avant avant le 1er octobre jusqu'à 23h59, heure de l'Est, écrire dans le topic du forum du concours. Alors, on a 13 participants. Et donc, je vais me servir d'un random number truc machin pour tirer de 1 à 13, parce que j'ai tout listé ceux qui ont participé. Le gagnant, ben, je vais le contacter par le site de l'acrodesjeux.com sur le forum en message privé. Et je vais l'annoncer devant tout le monde. Cool. Donc, on va faire ça. On a le numéro 8 qui est Jirozy. Jirozy, félicitations. Bravo, Jirozy. Donc, je vais te contacter là, d'ici demain pour que tu me donnes tes coordonnées. Puis, je te ferai shipper un gilet de rétrogrammeur PQ, soit en vert, bleu ou noir. Yay! Bravo, Jirozy. Félicitations. Alors... merci énormément. Merci beaucoup d'être venu sur notre forum pour vous abonner. J'espère que vous appréciez le forum également de la manière qu'il est. Alors, là-dessus, je vais commencer avec Antithèse. Comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur antythese@yahoo.ca ou gmail.com. Mon Twitter est le même, mais on rajoute après cela, S-A-Y-S pour que ça fasse Antithèse 16. Cependant, la meilleure façon de me contacter demeure sur accrodesjeux.com et ton gentil, joli, très cool, très admirable forum des accros. Jog, comment on peut te rejoindre sur les internets? À partir du forum des accrodesjeux.com pour l'instant, parce que étant donné que je change de nom de channel et etc., je dois tout reconfigurer pour me contacter. Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? Une des meilleures façons, c'est sur le forum des accros des jeux. Je fais mon tour quotidiennement. Sinon, vous cherchez Testeur Alpha soit dans Google, soit dans Facebook, soit dans YouTube, soit dans Twitter. Je suis tout partout. Fait que vous pouvez pas me manquer. De non, mon côté. Je dis, ben non, t'es juste là. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. De mon côté, il y a également plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez me rejoindre via le forum des accros des jeux. Je passe mon tour quotidiennement. Il y a également le Facebook des accros des jeux, facebook.com/accros des jeux. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrosdesjeux. Prenez pas mon ancien compte Dante Must Die 2, car il a été hacké. Alors, sérieux? Ouais, ça va être. Mais la plupart du monde que je connais ont été hackés. Fait que celui-là, je l'ai délité, mais il reste encore en zone grise. Fait que allez pas le rejoindre. Sinon, il y a également mon courriel officiel des accros des jeux, accrosdesjeux@commercialgmail.com. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de personne bizarre qui m'a écrit. Ils ont-tu peur que je jase de leur nom durant le podcast? Je ne suis pas au courant. Je vous me rendais très triste. Et il y a également le Facebook des accros des jeux et le compte accros des jeux. En personne, si jamais vous voulez me jaser avec moi, ne me rentrez pas dans vos Facebook personnels, je n'accepte pas les gens que je ne connais pas. Alors, la semaine prochaine, soyez des nôtres parce qu'on va jaser de la Game Boy Advance. On va jaser des jeux qu'on a aimés, des jeux qu'on a détestés, puis de la console en général. Fait que là-dessus, c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Juste un gamer, Jug. Alpha. Pour le podcast des accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye.